J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans cette 33e émission de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde. Ah, bah du comics, ça y est. Oui, voilà. Bah, je suis chaud. Vous êtes chaud, c'est bien. Aujourd'hui, on est un peu moins, mais c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Puisqu'autour de la table, vous l'avez entendu, je suis avec Mathieu. Salut, ouais, Mathieu. Salut à tous. Et je suis avec Johnny aussi. Allô. Et Thomas doit être peut-être en train de réviser son bac. On espère qu'il est pas dehors en train de faire des conneries. Fils Patrick. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec des petites news. Ce générique est toujours assez bien. J'ai toujours peur qu'il y ait la guerre ou un truc comme ça quand j'entends. Mais non, j'ai pire que la guerre. Les Coréens attaquent. J'ai un nouveau film de la part de Sony. Donc, pire que la guerre, les priorités. Après Venom qui devait sortir, qui sortira en octobre 2018, un autre film qui sortira lui aussi en octobre 2018, on ne sait pas pourquoi. Et ce sera un film Silver Sable et Black Cat, donc deux personnages qui sont aussi issus de l'univers de Spider-Man. Et on connaît pour l'instant le nom de la réalisatrice, puisque ce sera une réalisatrice, c'est Gina Prince. Alors attention, Bytewood, qui a réalisé Cloak & Dagger, le pilote de Cloak & Dagger, la série pour Freeform, et après ça qui a fait pas grand chose. Donc on ne sait pas pourquoi, peut-être que... Et le film s'appellera Silver and Black. Et apparemment, ça va être une espèce de road movie, peut-être en Amérique du Sud, où elles vont rencontrer plein de personnages, dont Kraven, Spider-Woman, Norman Osborn, plein de personnages de l'univers de Spider-Man. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud et en Amérique, voilà. Alors que je crois que Black Cat va devoir faire des trucs pour libérer son père qui est en prison, et Silver Sable va... faire des trucs. D'accord. Ouais, voilà, elle va devoir faire des trucs. Ouais... comme voler des choses, parce que c'est un peu une voleuse, quoi. Silver Sable va devoir la poursuivre pour venger son père. Rappelez-moi, Silver Sable, c'est la mercenaire. C'est la mercenaire, ouais. D'accord. Donc une voleuse, une mercenaire qui va en Amérique du Sud. Donc Black Cat, c'est Felicia. On a vu le personnage dans les films, mais juste en tant que Felicia. J'étais déçu d'ailleurs, au final, parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de porter le costume ou de faire quoi que ce soit. Tu l'aimes bien le personnage, hein? Aimer, c'est beaucoup de dire. J'apprécie le perso, mais elle est un peu antipathique, en fait, dans les comics que j'ai lus. Et c'est le type de fille qui a une relation très particulière avec Peter. Bah, c'est un peu la Catwoman du pauvre. Pas forcément du pauvre, mais ce qui était intéressant avec elle, c'était que elle a un peu des relations un peu, comment dire, ça peut être extrêmement sexuel entre elle et Spider-Man, mais elle est pas intéressée par Peter Parker, elle est intéressée par Spider-Man. Du coup, elle va, par exemple, elle va se le taper, mais elle lui demandera de garder le masque sur sa tête, ce genre de truc. Ah ouais, et à côté de ça, creepy comme ça. Voilà, à côté de ça, elle flirte avec un peu tout le monde. Et le truc, c'est que lui, c'est Peter Parker. Quoi. Le gars a toujours été très doux, très gentil, et forcément, c'est un peu l'archétype de. En gros, c'est la belle fille qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement libérée et qui se comporte un peu de manière très charnelle avec un peu tout le monde. Et à côté de ça, elle a trouvé le moyen d'avoir un petit timide, tout sympa qui sont amourachés d'elle et qui se fait traiter un peu n'importe comment. Ouais. Donc voilà. Et Silver Sable? Je la connais très très peu, je l'ai vu pas deux trois fois, mais après pour le film, comment dire, c'est pas une coïncidence que le film débarque après que les deux autres studios qui font des univers partagés de super-héros aient annoncé des personnages féminins comme personnages principaux de leur film. Donc après Captain Marvel et après Wonder Woman, fallait que Sony annonce des meufs, donc ils ont choisi ces deux-là parce qu'ils ont les personnages de Spider-Man. Mais c'est bien qu'ils suivent quand même, qu'on a le droit à des meufs. Qu'on ait le droit, oui, mais là en l'occurrence c'est plus de la copie et du... Ouais, surtout c'est Sony, donc voilà, j'ai pas confiance en ce qu'ils vont être capables de faire. Ensuite ils ont choisi exprès une réalisatrice, je suis sûr, parce que voilà, il fallait une meuf. Et... Oh, elle restera pas. Ouais, on sait jamais, hein. Donc bon, après. Wonder Woman, ils avaient fait pareil, ils avaient voulu absolument prendre une meuf. Mais c'est une meuf, c'est ouais, Patty Jenkins. C'est la troisième, hein. Il y en a deux qui s'étaient barrés avant parce que c'était fait. L'idée, pourquoi pas, mais c'était tellement fait comme des bourrins que d'entrée de jeu ça tenait pas la barre. Heureusement qu'ils ont fini par en trouver une. Toi, ça te hype un peu, un film Silver Sable? Non, je suis un peu comme Johnny, c'est-à-dire qu'on est vraiment encore dans. Enfin, j'ai l'impression dans cette optique où, on va sortir des films, on va envoyer des noms pour l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on s'en fout, parce qu'il faut occuper l'espace, parce qu'il faut buzzer. creuser, parce qu'il faut avoir, on a une franchise, il faut l'utiliser. Et derrière, effectivement, ça commence à sentir l'usure. Il y a des petites rumeurs comme quoi, en fait, ce serait quand même lié au MCU, mais ce serait dans le même univers, mais pas vraiment. En fait, il n'y aurait pas de lien effectif, on ne verrait pas les personnages, mais ce serait dans le même univers. Donc, c'est pas le même univers. Oui, mais... Non, mais c'est facile de dire que c'est le même univers, mais si personne croise personne... Ils vont utiliser la même mythologie, mais ils se croiseront pas. Bon, t'auras un petit bandeau en bas avec marqué le prix si jamais Marvel veut racheter les personnages dans sa MCU. Quoi. Le bandeau en bas, ça va plutôt être du genre Hulk est passé là la semaine dernière, mais on n'avait pas les caméras pour le filmer. Donc ouais, faire un univers partagé, si personne se croise, ça sert absolument à rien. Hulk avec un E à la fin. Un peu comme les séries Netflix, tu vois, où ils discutent des trucs des Avengers, alors qu'ils ont vers Tout le monde est tellement fan de ça. Ouais, exactement. Ah, c'est le point principal. Ah, c'est pas moi qui le. Ah non, je sais, c'est pas contre toi. Je donne juste les informations. On va passer à une autre news. Et on va rester dans l'univers cinématographique. Et c'est une news un peu plus triste. C'est Zack Snyder, le réalisateur de Man of Steel et de Batman v Superman. Et même si on peut penser tout ce qu'on veut du réalisateur, c'est quand même une terrible nouvelle, puisqu'on a appris que pendant qu'il y a un avion qui passe, oui, on a la fenêtre ouverte parce qu'on a chaud. Donc j'étais en train de dire que sa fille est décédée. Du coup, il a quitté le projet Justice League pour pouvoir s'occuper de sa famille. Donc on va plein de pensées positives pour lui et toute sa famille. Et c'est Joss Whedon, donc le papa de Buffy et de Firefly et de plein de trucs super cool, qui reprend le projet. Apparemment, ça faisait déjà plusieurs mois qu'il bossait avec Snyder sur le projet, parce qu'il réécrivait un peu les dialogues, un peu comme il avait fait avec Thor Dark World, où il avait un peu réécrit, il était passé derrière pour que ça soit un peu plus digeste. Yep. Et là, il va leader le projet à la place de Zack Snyder. Donc c'est un peu une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, parce que moi j'aime beaucoup de Joss Whedon, et autant lui redonner sa chance au cinéma, c'est cool, mais c'est dommage pour Zack Snyder, quoi. Le pauvre, j'ai l'impression qu'il arrive après la guerre quand même, hein. Même si bon, effectivement, toutes nos pensées à la famille de Snyder et tout. Il va diriger quelques reshoots, mais avec le montage tu peux faire beaucoup de trucs, hein, donc il va faire toute la post-prod. Ça, l'avantage avec Snyder, c'est qu'il fait des films de 6 heures et après il les compile en 3 pour faire une director's cut de 4, donc il y a du matériel pour faire quelque chose. Maintenant il n'est pas magicien non plus, et puis est-ce qu'il va pouvoir c'est jamais quand même extraordinaire comme ça quand il y a un mec qui se casse vers la fin pour remplacer par quelqu'un, mais le projet était casse-gueule de base, donc... Pour un film qui sortira le 15 novembre 2017, donc dans pas trop longtemps, donc ça reste... Il y a du boulot, quoi. Il y a beaucoup de boulot. T'as une petite... Johnny, un petit mot à dire, non ? Non, j'étais en train de penser au concept de la main de singe. C'est un truc qu'on voit dans certaines histoires d'horreur où, en gros, tu sais, une main de singe qui est coupée et tu fais un vœu. Mais généralement, quand ton vœu est exaucé, t'as un effet pervers derrière. Et du coup, je pense à tous les gens qui voulaient que Snyder se casse. Sauf que du coup, ils se sentent un peu cons parce qu'ils n'avaient pas envie que la fille de Snyder se suicide à côté, parce que c'était pas ça la demande, en gros. Donc, bon. Il y a un truc comme ça dans les Simpsons, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Je crois qu'il doit y avoir un espèce de climat un peu... Comment on appelle ça encore ? Un peu maladroit en ce moment pour tous les gens qui voulaient que Snyder s'en aille. Ouais. Donc bon. Moi, j'aime bien Snyder, donc... J'espère qu'ils vont s'en remettre pour la famille. Et puis, je sais pas, c'est comme tu disais, Whedon n'est pas magicien, donc bon. Et du coup, il y avait sa femme aussi, puisque sa femme produisait Man of Steel, produisait Batman vs Superman. Donc ils ont perdu un réalisateur et une productrice. Donc, Bon, ça, la nuit, voilà, ça arrive. Ouais, ça arrive. On va passer à une news un peu plus sympathique, et c'est Bliss Comics qui nous dit que l'amour est l'amour, car ils vont publier cet automne l'anthologie Love is Love, qui est une collaboration entre IDW et DC Comics, qui suite aux attentats du 12 juin à Orlando avait réuni tout plein d'artistes pour faire une anthologie et remettre des dons au profit des victimes, des survivants et de la famille des gens qui ont subi cet attentat. Et il y a des grands noms quand même derrière ce projet, parce qu'il y a J.K. Rowling, donc la maman d'Harry Potter, Jonathan Hickman, Marguerite Bennett, Paul Dini, Gail Simon, donc vraiment que des gros noms du comics, et pas que. Et Bliss Comics va publier ça, et tous les profits iront à la même association, donc c'est cool. Elle va publier ça cet automne, donc voilà, je trouvais ça cool, il fallait souligner, parce que je trouve que c'est un petit éditeur et qui fait vraiment que des trucs cool pour l'instant. Ouais, yep. c'est une bonne idée ce qu'ils ont. Bon, ça leur fait un petit coup de pub aussi, mais oui, c'était, oui. Tu peux faire de la pub avec autre chose, donc pour le coup, c'est une bonne idée. Ouais, c'est de la pub, mais charitable. Voilà, c'est ça, vraiment. Ouais. Et puis c'est du bon buzz pour une fois, il n'y en a pas beaucoup. Donc, et ils ont je sais pas si c'était la même cover pour le truc de base, mais c'est une cover, ils ont relevé une cover de Elsa Chartier qui fera. Qui sera ah, la hein, là, ça, là, c'est bien. Et là. Moi, j'aime beaucoup Elsa Chartier, ouais. Donc. Et Jordi Belair, les couleurs. Et les excuse-moi, j'arrive plus à parler. Ça y est, il est venu. Donc, c'est colorisé par Jordi Belair, quelqu'un que tu apprécies beaucoup, je crois, Johnny. Ouais. Et je crois que c'est pas elle. Non, c'est pas elle qui est sur. Sur Vision. Si. Elle est Légion, je crois, parce que. Ouais, elle est partout, elle. Ouais. Je sais pas si elle bosse très vite ou si elle est très organisée ou si elle est juste très douée, mais alors qu'elle est. J'ai l'impression que tous les mois, je lis des trucs de. Jordi Belair. Ouais, mais elle fait du bon taf. Elle est vraiment partout et dans plein d'éditeurs différents. Je suis extrêmement impressionné. Est-ce qu'il y a des trucs où tu l'as trouvé moins bonne qu'ailleurs ou vraiment. Non, jamais. Ok, bah c'est cool. Bon, bah on remercie Valiant pour tout ça et on va passer à une autre news. Alors c'est un peu de teasing, ça va être plus de la théorie et c'est plus marrant que je pense que ça soit vraiment, parce que c'est la toute nouvelle attraction Guardian of Galaxy du Disneyland californien, donc qui s'appelle Mission Breakout, qui a révélé des petits indices qui pourraient mener vers deux personnages Marvel qui arriveraient dans le Cinematic Universe. C'est pointu. Alors attention, en fait c'est deux objets. C'est des trucs dans une attraction aux États-Unis qui. D'accord. Ça. Ouais. Vas-y, on voit. Donc c'est super. C'est obscur. Béton. C'est super obscur. Attention, c'est deux objets qui sont posés là. Mais pas par hasard à mon avis, donc un certain marteau qui appartient à un personnage qu'on a déjà entreaperçu dans le premier Gardien de la Galaxie. Pourquoi tu teases comme ça? Parce que j'aime bien teaser. Ouais. Et donc c'est le marteau de Beta Ray Bill, le Thor extraterrestre. Est-ce que quelqu'un peut expliquer le concept étrangissime qu'est Beta Ray Bill? Ça va, il est pas si bizarre que ça. Il a une tête de cheval. Oui, voilà. Ouais, mais bon, ça c'est un détail. Non, mais alors, attends voir. L'histoire en gros de l'origine de Beta Ray Bill, c'est qu'il fait partie d'une race alien qui s'est créé une espèce de guerrier cyborg protecteur en gros. Et c'est Beta Ray Bill en fait qui est devenu leur guerrier cyborg. Et donc il a effectivement une tête qui ressemble vachement à une tête de cheval. Et Thor, pendant une mission, le rencontre, il se tape dessus. Et il a la grosse surprise en fait de découvrir que Beta peut utiliser son marteau, ce qui normalement peut arriver que si t'es digne en gros. Et se pose ensuite le souci, c'est-à-dire étant donné que Beta Ray Bill a pris le contrôle du marteau, moi je fais quoi? et Odin a trouvé la solution en fait de fabriquer un marteau exprès pour Beta qui s'appelle le Stormbreaker, le briseur de tempête en gros, et qui est vachement beau d'ailleurs. Et du coup Beta Ray Bill a en fait les mêmes pouvoirs que Thor, mais il est beaucoup plus se placer dans l'espace en fait, à s'occuper d'aliens et de créatures venant d'autres dimensions, et enfin voilà, il est lié d'ailleurs à Ragnarok, mais le Ragnarok de la BD a rien à voir avec le Ragnarok du film qui arrive, donc ça m'étonnerait beaucoup qu'on voit passer Beta Ray Bill dans le film. Mais ce serait marrant franchement. Ouais. Donc Guardian 3 plutôt peut-être. C'est plutôt comment il est introduit et comment il est fait en fait qui m'intéresse. Mais on le voyait déjà dans le premier Gardien. Comment on appelle ça c'est encore. C'est des easter eggs. Ouais, parce qu'après tout dans le premier Gardien t'avais le cocon d'Adam Warlock et il est introduit dans le deuxième et ça n'a strictement rien à voir. C'est vrai. Laisse-moi arriver, s'il te plaît. Donc, le deuxième objet, c'est un truc qui fait référence au sous-marin, au fond sous-marin de la Terre. Donc, pourquoi pas Atlantis, puisque c'est une espèce un miroir avec plein de trucs vachement ouvragés et tout. Et ça ferait peut-être penser au prince d'Atlantis, donc Namor. Moi, j'aimerais bien voir Monsieur Namor au cinéma, ce serait marrant. Techniquement, ils y sont déjà. Il y a une scène dans Iron Man 2 où tu vois une carte avec des points à différents endroits de la planète. Et il y en a un qui représente Wakanda, donc c'était avant qu'on introduise Black Panther. Ouais. Et il y en a un qui représenterait Atlantis. Ouais. Mais le personnage de Namor était chez Universal avant. Ouais. Et il est revenu il y a peu chez Marvel Studios. Mais bon, après, c'est des petits décors dans une attraction, dans un parc d'attractions. Ah ouais, mais ça peut peut-être dire quelque chose. Hein, t'as vu comme ils ont faim de... Moi, j'aime bien les petits trucs comme ça. 20 ans après, ça marche encore. J'adore les théories. C'est pour ça que je kiffais Lost, tu vois. Y a toujours d'accord, mais faut que ce soit crédible un peu. Oh, mais c'est marrant. C'est cool. C'est comme le voir passer, je sais pas, un producteur de trucs avec une casquette avec un symbole de, je sais pas, Namor sur la tête et dire ah mon Dieu, il va y avoir un film. Non, c'est juste que s'ils avaient envie, c'est tout. Je reconnais que c'est une époque que je regrette un peu dans tous ces début 2000 avec les X-Men, les Spider-Man, et quand ça commençait vraiment à partir, c'est qu'effectivement tu regardais quasiment image par image pour voir si t'apercevais pas un logo de tel truc, un truc de machin. C'est cool les easter eggs, moi j'aime bien. À ce moment-là, t'avais les scènes post-génériques, t'étais comme un dingue parce que t'allais peut-être voir ce qui allait se passer. Maintenant, elles sont nulles les scènes post-génériques. Ah, faut juste rigoler quoi. Ouais, maintenant c'est qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu voudrais voir Beta Rebill et Namor au cinéma? Ouais, Beta Rebill, oui, c'est vrai que le perso est sympa. Et puis. Namor, non. Bah, Namor, c'est quand même un gros con. J'allais dire exactement pareil. Moi, j'aime bien lui faire rire. Ouais, non, mais il est rigolo parce qu'il y a une espèce de dignité dans sa connerie où il bourrin. Enfin, ouais. Ouais, non, mais c'est tout le temps comme ça. Il tape des crises de nerfs, il se tape les femmes des autres. Chez les X-Men, il est super drôle. À la limite, ouais, dans un nouveau projet 4 Fantastiques avec un truc ultra glauque où il se tape la femme invisible. Enfin, un truc sympa, quoi, un truc bien dépressif. Hein. Pourquoi pas quoi. J'avais un souvenir avec Namor dans une série, je crois que c'était un X-Men aussi, où il discutait avec, je crois que c'était une Summers. Je crois que c'était Rachel Summers. Il disait ah oui les roses ça me dégoûte et tout. Et juste après ça, il se tapait une espèce d'extraterrestre immonde, mais vraiment un truc genre The Thing de Carpenter, un peu dans le même délire. Je jugerais pas. Et ouais, mais c'était trop. Le roi des inhumains, il a généralement on voit Médusa comme sa femme, celle avec les cheveux orange là qui vole dans tous les sens. Ouais. Mais en fait il en a plusieurs des femmes. Et Médusa c'est la seule qui est enfin, qui a l'air normal, les autres elles ont des têtes de cheval ou d'ours polaire ou un truc de ceci, des trucs bien dégueulasses. Enfin, du coup, il peut pas dire non dès qu'il ouvre la bouche. Et lui, il est marié avec. Embêté quoi. Ouais, mais il a pas pu le dire du coup. Ouais, c'est exactement ce qu'il disait. Ouais. On va passer à une autre news avant de partir dans des conneries encore pires. Et moi, j'ai une bonne nouvelle. Alors, c'est un café comics qui va peut-être s'ouvrir à Montpellier. On a eu la chance de rencontrer les deux gérants qui vont lancer ce truc qui s'appelle Jojo Comics, en rapport avec un des meilleurs mangas de tous les temps, qui est Jojo Bizarre Adventure. Si vous n'avez pas lu Jojo Bizarre Adventure, courez au moins voir l'animé, parce que c'est jure le meilleur shonen de tous les temps. Sinon, ils sont en train de lancer un crowdfunding pour pouvoir ouvrir leur café comics. Et en fait, ils ont déjà le bail, et ils ont déjà un compromis de vente, enfin un compromis de location ou de vente, j'en sais rien. Et en fait, ils font un crowdfunding pour récupérer du stock, parce que ça coûte cher de récupérer plein de comics. Pour l'instant, ils en sont à 13%, je crois. La dernière fois que j'ai regardé, ils en étaient à 715 et des poussières d'euros, et ils demandent pour leur premier palier, ils demandent 5 000 euros. Donc je vous ai mis le lien sur la page Facebook, qu'il y est déjà, vous pouvez scroller, je crois que je l'ai partagé il y a en début de semaine, de la semaine dernière. Ouais, semaine dernière, il me semble. Et donc il y a plusieurs paliers, excusez-moi. Le deuxième palier, je ne sais plus à combien il est, pour l'aménagement de leur déco. Et après, en fait, plus vous donnerez, plus il y aura des trucs cool, comme notamment la licence pour pouvoir obtenir la licence 4, pour pouvoir acheter des bières et pouvoir faire des soirées, des trucs comme ça. Et pour avoir discuté avec eux, franchement, c'est un couple vraiment très très très très geek et très très sympa, qui ont vraiment des milliards de projets, notamment le projet de faire venir des artistes sur Montpellier. Ça c'est très très ça, c'est bien. Cool. Et des youtubeurs aussi, dont je sais pas, notamment ça, bien. Le Comi des Comics. qui fait des news qui c'est très très j'adore ses vidéos. Donc voilà, c'est cool, je trouve ça cool. Ah, mais la bière elle est quand là du coup? La bière il faut donner, donc tu vas donner de l'argent et après t'auras de la bière. Ouais, ça me paraît normal, ouais. Et voilà, moi je trouve que le projet est très très sympa. Pour les gens qui se demandent, le lieu ce sera dans la rue de l'université, tout en haut de la rue université, donc pas très loin de Planète et de Azimut pour la raffinerie. Ouais, voilà, non, un peu plus haut quand même. Ah, bon, mais tant pis. Donc voilà, je pense que c'est tout. Que vous avez un petit mot. Je sais pas si vous avez jeté un coup d'œil au crowdfunding ou... Enfin, rapidement, oui. Ouais. Alors, moi j'ai un autre crowdfunding en ce moment qu'il faut que je paye avant demain. Sinon, l'État français me tape dessus. Une fois que j'ai fini ce crowdfunding là. T'es un bras d'ailleurs. Je m'intéresserai à celui-là. Ouais, mais sinon c'est bien comme idée. J'espère que ça va marcher. C'est toujours des projets intéressants. C'est notre médium qu'on aime bien. Alors, ouais. Après, s'ils veulent du stock, je les appellerai parce que j'ai des trucs, je sais pas comment. Mais ils viendront la semaine prochaine. Ah ouais, voilà, j'aimerais bien les caisses alors. Pour prenez une brouette. Donc voilà, on va passer aux sorties de la semaine. Et j'ai noté plusieurs sorties. Il y a pas mal de sorties. On va vite faire parce qu'on commence à faire un peu tard au niveau du planning. Du coup, j'ai noté La Malédiction de Rowan de chez Delcourt par Mike Carré. Mike Carré, tu connais peut-être. Mike Carré, c'est bien. Il a fait Lucifer chez Vertigo. Ouais, Lucifer, c'est très bien. Il a fait du Hellblazer aussi pendant quelques temps. Et il a fait du X-Men qui était pas dégueulasse. Et Mike Perkins, ça dit quelque chose? Ouais, j'ai rapidement vu sur du Captain America. C'est un dessinateur, il a fait du Marvel, il a fait du DC aussi. C'est sombre, ça c'est dark ce qu'il fait, ouais. Mais le double Mike c'est bien à mon avis. Ouais. Et donc voilà, c'est deux Anglais qui vont faire un truc, je vous lis le pitch. Alors, lorsqu'on propose à Katie, une jeune Américaine, un échange de maison avec une jeune Anglaise, elle saute sur l'occasion pour pouvoir passer l'été au domaine de Rowan, une vieille demeure accueillante, mais elle comprend très vite que quelque chose cloche et décide d'enquêter sur ce lieu. Elle va très rapidement se rendre compte que parfois il est préférable de ne pas réveiller le passé. Donc c'est un comics d'horreur, à mon avis, avec des fantômes et tout, ça pourrait être très sympa. Donc voilà, pour 16€ chez Delcourt, ça sort, je crois que ça sort mardi. Vendredi, il y a Les Losers par Jack Kirby qui sort chez Urban pour 22,50€. Donc je vous lis le pitch. Le Capitaine Storm, Johnny Cloud, Gummer et le sergent font partie du commando des Losers, un quator formé au cœur de la Seconde Guerre mondiale et lancé dans les missions les plus périlleuses derrière les lignes ennemies. Des plages du débarquement aux îles du Pacifique, les Losers traversent ce décor à la fois insensé et périlleux. Donc du Jack Kirby, c'est toujours bon à prendre, je pense. Ouais, bon, récit de guerre en plus, je crois que j'ai vu ça il y a un moment. Ouais, c'est très Kirby, c'est un... Ouais, c'est bien, ça se lit bien, Kirby, de toute façon. Allez-y, cherchez-vous. Ça va plus te parler, encore Mathieu. C'est le numéro 1, parce que je sais pas pourquoi ils font un reboot, de Star Wars en kiosque, qui va débarquer, je crois que c'est vendredi aussi. Alors, le nouveau départ du magazine, on va retrouver Dr. Aphra, de Karen Gillan et Kev Walker, que tu as lu. Ouais, très bien. Très bien. Très bien. Le deuxième annuel de la série Star Wars par Kelly Thompson et Emilio Lesso. Très moins bien. Très moins bien. Et Darth Vader, numéro 20. Oui, reboot en kiosque, d'accord. Bah, déjà que c'est pas simple. Non, Aphra, c'est très bien, c'est super frais. Vader, c'est la fin, mais c'est vachement bien. Voilà, annuel un peu moins bon, mais bon. Est-ce que tu conseilles aux gens de commencer par celui-là? Pour Dr. Aphra, ou tu attendrais Aphra, y a pas un ouais, alors là sincèrement, ce que je lis moi en comics en VO, je me ferais plutôt le TPB Aphra, le reste le Star Wars, Poe Dameron et Darth Maul pour l'instant, ce qui sort plus ou moins en VO, ce qui va sortir dans pas très longtemps, c'est globalement moyen. Okay. Mais tu as acheté quand même. Oui, pour vous dire que c'est moyen. D'accord. Respectez-moi. Mais du coup, Aphra, c'est cool, c'est funky, la première scène est géniale, une espèce de parodie de l'aventurier de l'Arche perdue, où tu vois en fait que c'est pas elle, Indiana Jones, c'est plutôt le français, merde, je bouffais comment il s'appelle. Celui de l'ennemi de Belloc. Donc c'est plutôt Belloc. Et ben on en parlera quand ça sortira en TPB, oui, en hardcover. Et bah voilà, parce qu'on va pas lire du kiosque Star Wars quand même. Allez-y quand même. Lisez pas, m'achetez-le. Et on reste sur le kiosque avec Batman Rebirth kiosque qui va sortir. Donc pour 6€, vous allez avoir dedans Batman Rebirth 1, Batman 1 et 2, Detective Comics 934 à 936, Nightwing Rebirth 1 et Nightwing 1. Donc voilà, si vous voulez commencer Batman, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ouais, ça par contre tu peux pas, enfin j'ai pas lu les Nightwing, mais les Detective Comics sont vraiment cool, et c'est Tom King qui scénarise Batman, ouais, d'ailleurs. Tom King qui a scénarisé le titre dont on parle aujourd'hui. C'est pas mal, je pense que pour rapport qualité-prix, ouais, ça fait une bonne idée déjà de ce que ça va donner. Ouais. Alors il y a aussi Justice League Kiosk, donc Justice League chez Urban pour 6€, et ça contient Justice League Rebirth 1, Justice League 52, Action Comics 957 et 958, Flash Rebirth, Flash 1 et 2, Hal Jordan and the Green Lantern 1. Donc je pense que pour les mecs qui pipent pas trop ce qu'on dit, ça va pas être simple ça, quoi. Ouais, je suis désolé. Ouais, j'étais en train de me dire. En gros, on a pas le choix, mais en gros, c'est le reboot de DC qui arrive maintenant en kiosque. Donc si vous voulez vous mettre au kiosque, et si vous voulez aller, parce que franchement dans le lot, pour 6€, dans le lot, il y a vraiment plein de séries cool. Donc allez-y, je pense que ça vaut le coup. Ouais, ils font ça par grande famille un peu, c'est un classique. Voilà, tu as la famille Batman. Moi je vais les acheter. Et je pense que je vais acheter tout le kiosque. En qualité-prix, à mon avis, c'est good. Ça vaut le coup, franchement. Chez Urban font vraiment bien les choses. Ils font vraiment, il y a vraiment un travail éditorial à chaque fois derrière. Un petit résumé derrière qui t'explique un peu. Ça fait partie de ces moments où tu peux embrayer sur les comics. Si vous avez envie de lire du kiosque, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et je vais les citer comme ça parce que ça sort aujourd'hui, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Alors il y a Descender tome 3 qui va sortir. Lisez Descender, c'est vraiment cool. Grayson tome 3, Grayson, c'est vraiment cool aussi. Wonder Woman, Dieu est mortel. Tome 2, Beach Planet, tome 2, j'ai toujours pas lu Beach Planet, mais ça vaut le coup. Vous l'avez lu autour de la table? Non. Non, personne? Non, je m'entends des retours différents selon les sources. Ah ouais? Moi aussi, moi totalement. Aussi, ouais. C'est vraiment différé selon. Donc, Croque-Mitaine 2 qui va sortir. Apparemment, Croque-Mitaine, c'est pas mal. Je crois que c'est un truc franco-belge, mais qui est un peu axé comics. Je me suis pas renseigné, mais on jettera un œil pour peut-être en faire une review plus tard. Ah. Et il est 24, on va faire la première pause musicale de cette émission. Et comme on va vous parler de Vision, j'ai choisi un titre très dans la thématique et qui fera plaisir à Faye qui est en train de nous écouter peut-être, puisque c'est une de ses chansons préférées des Daft Punk, et c'est Robot Rock. Bien. Yeah. bien. Ah. Et ben voilà, c'était ça direct. Voilà. Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, le 102.2 pour les gens sur Montpellier, et puis internet sur radiocampus.fr, radiocampusmontpellier.fr, excusez-moi, pour le reste du monde. C'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux du comics, et on va vous parler de robotique, comme le, avec le thème de cette superbe chanson de Daft Punk. Chanson, il n'y avait pas de chanson, il y avait un son, et je crois que mon cerveau a fondu. Mais non, ah, mais c'est non. Ça, le bruit de fond là depuis 15 minutes. Mais non, elle est très bien cette chanson. Je croyais que c'était le frigo qui était resté ouvert et du coup ça bipait. En plus c'était en hommage à ma chérie Faye, donc voilà. C'était ah, cool. si c'est politique alors. C'est du lavage de cerveau qui fait en fait. Les mêmes notes encore et encore. Donc on va vous parler de Vision de Tom King et de. Je ne sais, c'est Walta. Walta. Je crois que c'est Gabriel Hernandez Walta. Chez. Voilà, je crois que c'est ça. Et bah c'est Mathieu qui va nous parler du scénario. Ah, tu sais que j'ai deviné parce que tu me l'avais pas dit. Ah, je te l'avais pas dit ? Non, non. Bon, j'ai fait que ça, de toute façon. Bah, à force, on fait un peu la même formule à chaque fois. Hein. Wow. Elle marche bien, cette formule. Ah, c'est les vieux couples, ça y est, ça commence à s'installer comme ça. Mais si, je l'avais dit dans la converse, mais t'as pas dû regarder. Ah non, mais votre converse, ça va trop vite. De quoi est-ce qu'on... Oui, alors, Tom King, donc, au scénario, donc, est un artiste américain, pas le scénariste le plus connu. Il a commencé fin 90 chez Marvel et DC, et en fait, après les événements du 11 septembre, il a laissé tomber pour entrer dans la CIA, ce qui n'est pas forcément anodin. Il est resté 7 ans, et au bout de 7 ans, il est revenu quand même à... Tu dis, la CIA, c'est trop chiant, en fait. Ouais, au bout d'un moment, il a fait 3 fois l'Afghanistan, 2 fois l'Irak, on s'emmerde. Et donc, du coup, il est revenu à ses premiers amours, et il a fait un roman qui a plutôt bien marché. Donc, il est dans cette optique-là, un petit peu police, anti-terrorisme et compagnie, ce qui ne se voit pas du tout, d'ailleurs, dans le comics, mais c'est pas grave. Il a fait un comics chez Vertigo, qui a très bons échos, qui s'appelle The Sheriff of Baghdad. Il a fait Vision, donc, dont on va parler, et ça a plutôt bien marché, parce que du coup, le monsieur Tom King se retrouve à la tête de la série Batman. Ce qui va bien avec le personnage. Ouais, pour le coup, c'est assez fulgurant comme ascension, parce que quand on te confie Batman, c'est pas forcément anodin. Et donc, il est sur le titre Batman depuis l'opération Rebirth, dont on a parlé il y a quelques minutes. Surtout quand tu passes après la meilleure équipe créative du monde, qui est Snyder et Capullo. Non. D'accord, ouais, donc effectivement, ouais, c'était pas forcément évident de passer après ces deux-là, mais bon, donc voilà. Donc Vision, alors... présentation rapide du personnage, va peut-être falloir me filer un coup de main. C'est un androïne qui a été créé par Ultron. Ils appellent ça un synthesoid. Synthesoid, oh. Voilà. Ouais. C'est bizarre comme machin. Mais, bon. Ouais, mais c'est organique ou pas ? Ils disent que c'est... Oui et non, il y a des éléments organiques dedans, mais l'essentiel du truc est plutôt robotique. En fait, en gros, l'idée, et justement, j'ai trouvé ça cool parce qu'il le mentionne vaguement dans le deuxième tome. Du coup, si vous avez lu que le premier, vous ne savez pas. Mais en gros, spoiler. En gros, Vision a été créé par Ultron parce que Ultron avait été créé par un humain. Donc Ant-Man, et il avait été créé pour être une intelligence artificielle, tout ça, le truc un peu classique. Il est devenu complètement fou, il est devenu meurtrier. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il commence à se sentir seul, et il a essayé de se créer un fils, et c'était le but de Vision. Donc les gens qui ont vu Vision dans Avengers 2, là-dedans, il avait été créé pour être son corps de remplacement. Sauf qu'à la base, c'était pas pour ça qu'il existait. Il existait pour donner un peu d'humanité à Vision. Mais Ultron, il a un gros problème avec la famille. Ouais. Donc il s'est créé une femme aussi qui s'appelle Jocasta, qui est mentionnée rapidement dans ce film. Il en a deux. Il y a même. Merde, comment elle s'appelle l'autre Anne. Je sais plus comment elle s'appelle. Alkenat ou un truc comme ça. Ouais, et. Qui était déformé. Et tout ça pour dire que le mec se sent vachement seul, et du coup il s'était créé Vision pour être son fils, sauf qu'il l'avait créé avec l'objectif de tu existes par rapport à moi, tu fais ce que je te dis, et ta première mission ça va être de trouver les Avengers et de tous les tuer, et ça s'est retourné contre lui parce que Vision a fini par rejoindre les Avengers pour se retourner contre son père. Et depuis, on arrive à, au scénario qu'on a là dans la BD, donc je te laisse continuer, vas-y. Ouais, du coup effectivement, donc la Vision, c'est ce qui caractérise un peu son personnage, c'est qu'étant créé par un grand méchant, il y a toujours un peu cette ombre au-dessus de lui qui fait que c'est la robotique, et est-ce qu'à un moment donné il peut pas basculer, parce que c'est toujours compliqué quand on est Ultron derrière. Et c'est un petit peu là peut-être la caution Ghost in the Shell de Marvel, c'est-à-dire est-ce qu'un synthézoïde, un androïde peut être humain, est-ce que c'est un humain, est-ce que dans la mesure où il a des capacités comme ça, est-ce que ça peut être ou légal ou quelque chose de différent. Et donc effectivement à un moment donné il se décide de se construire lui-même une famille, ce qui effectivement peut être déjà assez succulent, parce que lui-même a été créé pour être une famille. Donc c'est en réponse avec le fait qu'il a été en couple avec la sorcière rouge pendant très longtemps. Il a eu des enfants avec la sorcière rouge, des enfants de magie, mais c'est pas très bien fini. Ça s'est pas très bien fini. La sorcière rouge a un peu pété un câble. Voilà, ça a fait House of Fame, si ma mémoire est bonne. Elle a réécrit la réalité dans un petit chagrin. Et la sorcière rouge qui a des pouvoirs incommensurables et qui est complètement, voilà. complètement folle. Et du coup, donc, ce personnage a quand même un background assez lourd, familialement parlant, oui, déjà, voilà. quoi qu'il arrive, de par son père, de par ses enfants, de par son ex-femme. Et, mais du coup, là, il décide quand même de se créer lui-même une famille, donc une famille pour le coup à son image, et de s'installer dans une banlieue telle qu'on peut en voir dans 500 séries télé, tranquillou, ouais. le petit pavillon, les petits voisins. Et tout le principe du premier volume, en tout cas, c'est ça. C'est un retour à la vie classique, ce qu'a voulu faire Vision. Et donc, il y a forcément un décalage avec cette famille visuellement androïde. Hein, donc, ils ont la peau rouge. C'est exactement le visuel que vous avez dans le film Avengers. Mmh. Ils ont les cheveux verts. Ils font flipper un peu. Ils ont les yeux blancs. Et du coup, cette famille s'installe. Et donc, le rapport avec les voisins est forcément un petit peu délicat. Au lycée, c'est pas forcément facile. Même si ça commence les petits flirts adolescents. Le quotidien avec le patriarche qui est membre des Avengers, donc il s'en va pour combattre des menaces cosmiques, c'est sympa aussi. Oui, parce que contrairement au titre, ce que pourrait nous laisser penser, on suit pas vraiment Vision, on suit plus la famille c'est de Vision. C'est plutôt sa famille, ouais. C'est voilà, le travers, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça, après tout, ça fait aussi partie d'un peu des piliers des comics, c'est-à-dire tout ce côté, mine de rien, quotidien, humain, tu le vois quasiment pas. Yep. Ce qui est dommage parce que ça, c'est vraiment l'un des intérêts du comic, c'est ça, c'est le décalage entre un super-héros qui va se battre pour toi, mais derrière, il va se battre pour toi, pour ta famille, pour la de temps en temps et du coup ça tu l'as beaucoup moins et effectivement ça va que l'auteur ait un espèce de retour à tout ça c'est vraiment intéressant je trouve on est un peu loin de moi bon, sans déconner j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens à New York encore la ville se fait raser tous les trois jours les citoyens de Marvel sont un peu stupides ouais, à Gotham c'est pareil tous les 6 mois il y a un gaz il y a double face oui, pas, bon bref du coup là d'avoir un petit peu tu vois cet ancrage réalité c'est vraiment cool du coup que t'as vraiment un décalage où tu vois au jour le jour les tentatives de cette famille d'essayer d'être le plus normal possible même si entre eux ils ont des discussions totalement aberrantes sur très très philosophiques, très méta sur les valeurs humaines sur parfois des points de sémantique très précis ou des points de physiologie excessivement précis et la famille n'est pas forcément dysfonctionnelle mais mine de rien j'ai trouvé ça un peu perturbant parce qu'à un moment donné ça ressemble à une énorme expérience dont on est nous-mêmes les cobayes êtres humains et très vite ça agit comme un miroir sans juger parce que effectivement ça aborde des thématiques assez actuelle, d'acceptation, de la peur de ce qui est différent, d'exclusion. Mais j'ai trouvé ça bien fait parce que ça n'a pas d'honneur de leçon. Bien évidemment que leur arrivée dans ce quartier-là ne se fait pas de manière totalement anodine. Du coup, tu as les personnes qui acceptent de suite parce qu'il faut être tolérant, il faut être ouvert. D'autres personnes qui font c'est des robots, ça, c'est juste des casseroles, on ne peut pas leur parler. Mais ce n'est pas fait de manière bourrine, c'est très subtil. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que même eux, la famille de Vision, est loin d'être parfaite, ils font les mauvais choix. Ah oui, la mère, elle est pas un... La mère, elle est particulière. J'ai bien aimé son archétype. La mère est géniale. Ouais, mère, elle est calquée sur le... Parce qu'en fait, ce qu'on sait pas, enfin, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Vision est calqué, son schéma cérébral est calqué sur un autre personnage de Marvel, donc Wonder Woman. Et en fait, il le dit pas clairement dans le comics, mais j'ai l'impression qu'il a calqué le schéma cérébral de sa femme sous celui de Scarlet Witch. Donc de son ex-femme. Oui, ce qui est un peu creepy. Ouais, c'est induit au début et c'est bon bref. Mais oui, en fait, le truc qui est intéressant avec elle, c'est que en fait, on pourrait prendre la BD et enlever tout. Si on enlève tous les éléments fantaisistes, fantastiques, machin, le fait que c'est des robots et tout, on a un père qui vient de déménager avec sa famille. Ils sont, on va dire, d'une couleur différente ou d'une origine différente, parce qu'il y a cet élément-là aussi qui est géré avec une subtilité. J'étais franchement impressionné. Ils ont un discours racial dans ce bouquin qui est génial. Et donc, en fait, c'est juste un père d'une origine différente qui arrive dans un quartier majoritairement blanc ou normal, on va dire. Et la femme, elle existe essentiellement parce que, comment dire, étant donné qu'elle a été créée par son mari, elle n'a pas d'autre but dans l'existence que d'être là en gros et de s'occuper des gosses et d'être dans la maison et de rien faire. Il y a un plan qui est juste fabuleux où elle est assise sur le canapé et elle dit rien. Et à côté d'elle, il y a un vase. Et en fait, c'est l'écho entre les deux, c'est-à-dire que les deux ont autant d'importance dans la maison en fait finalement. Elle est l'équivalent d'un meuble. En fait, il y a une ligne de dialogue comme ça aussi qui est pas mal, où elle demande encore à Vision leur but, et Vision veut être une famille normale, et une famille normale, t'as pas forcément de but arrêté, oui, tu vois, ouais. t'as pas une logique, quoi. Et voilà, et je sais plus exactement ce qu'il dit, parce que je vais atteindre un objectif inatteignable par des moyens absurdes. Voilà, exactement. Et alors ça, pour le coup, tu vois que y a un décalage total avec cette pauvre femme au milieu, quoi, et du coup, ça part assez vite là-dedans, où, sans spoiler, je crois qu'au bout de la troisième page, tu as une ligne qui t'explique que ça va mal finir. Ouais. Et tout le reste du comic, c'est ça. Et ça en devient risiblement dramatique. Ça devient triste de voir presque les efforts surhumains obsessionnels qu'a Vision d'être le plus normal possible. Ouais. Et quoi qu'il arrive, tu sais que ça ne va pas arriver, ça ne va pas pouvoir arriver, sans que ça apporte de jugement ou d'explication en disant lui il est méchant, lui il fait pas d'efforts, lui machin tout ça. C'est juste un énorme drame qui se monte doucement, doucement, doucement vers un échec qui va être sans doute retentissant et a priori. Mais ce qui est marrant, c'est que on va pas trop spoiler, mais la mère commence à faire des conneries, les enfants aussi, et on se demande, le Vision est pas encore au courant, et moi pendant tout le truc je me dis mais quelle partie il va prendre ? Quel parti va-t-il prendre le parti de sa famille ou va-t-il Le traitement de ça est vachement intéressant aussi. La manière dont il réagit une fois qu'il le sait. C'est génial. La scène extraordinaire où t'as, enfin je sais pas si vous pensez à la même, c'est quand le voisin vient voir pour voir où est son chien et que t'as la femme de maison qui lui ouvre. Ah oui, qui lui fait rentrer en étant le plus cordial possible et le plus limite chiant. Elle fait peur même. Et la maison est sans dessus dessous. Oui, c'est juste un carnage total. Ils ont voulu tout refaire dans la maison. En fait, ils ont tout niqué dans la maison. Yep. Et la maison est dans un état déplorable. Et t'as le fils ou la fille qui est prostré dans un coin. C'est la fille, voilà. Et t'as la femme de maison qui fait un accueil, mais tout à fait comme on a pu voir dans. Desperate as well. En fait, le premier truc auquel ça m'a fait penser, ce bouquin en fait, c'est un peu de l'horreur mondaine, si on peut dire. Et en fait, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle American Beauty. Ah oui, ouais, c'est un exactement. Et franchement, ça reprend à peu près les mêmes éléments, c'est-à-dire la banlieue blanche américaine de base. Tu commences l'histoire et dès le début, le narrateur, voilà, en l'occurrence dans American Beauty, c'était le père qui parlait au spectateur et qui disait à la fin du film, je serai mort. Et toute l'histoire ensuite, c'est voir comment on arrive là. Et là, c'est un peu le même principe. Et pendant ce temps-là, pendant que l'histoire avance, autant dans le film que dans ce bouquin, tu vois la mère névrosée qui essaie d'avoir la façade de je suis une bonne mère de famille, machin, je suis toute propre et toute, je fais jamais rien de mal. Mais qui à côté fait des trucs. Exactement. Et celle-là, c'est un peu pareil. Elle a tous les signes d'une dépression, mais genre phénoménale, du genre à quoi sert mon existence, qu'est-ce que je vais faire. Et ça fait écho justement à. Ça fait un peu la mère de famille américaine des 50s qui fait rien de sa vie, et on montre toujours le moment où elle est souriante et elle fait le ménage, mais on montre jamais le moment où elle est assise toute seule dans la pénombre sur le canapé et qu'elle se demande à quoi elle sert en gros. Moi c'est limite si je la voyais pas commencer à picoler quoi. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire. Mais je veux dire le traitement là est juste énorme, et le truc c'est que la grande force finalement c'est que ils ont un tel découpage, un tel choix de plan et de mise en scène, et une juxtaposition entre les images et le texte. Franchement, c'est génial. Mais au sens propre, c'est du génie. Comme je suis en train d'en parler, tu vas passer sur le dessin. Ouais, je suis extrêmement impressionné. C'est assez rare de tomber sur un truc aussi bien fait. Et en fait, il faut vraiment le lire parce que c'est difficile à expliquer. En fait, pour sentir le poids émotionnel de certaines images et de leur juxtaposition avec le texte. Ou, par exemple, franchement, je pense qu'en fait, la mère, c'est mon personnage préféré. Et il y avait une scène que j'ai trouvé géniale, que je vous ai envoyée d'ailleurs, où il y a le père et les enfants qui sont dehors et qui discutent. Et le père qui leur dit faut pas voler quand vous jouez au football parce qu'il faut avoir l'air aussi normal que possible. Donc évitez de vous mettre à léviter parce que les voisins vont péter un câble. Et donc soyez normaux, machin. Et il y a la mère qui est dans la maison, alors qu'eux sont à l'extérieur, et elle les regarde par la fenêtre pendant qu'elle est en train de ranger la vaisselle, donc encore un truc de bonne mère des 50s là, et elle sourit parce que pendant cette scène, elle se dit, on est normaux, on est une famille heureuse, etc., ce moment a duré 1,72 secondes. Et dans le cadrage de cette scène, elle est à l'intérieur de la maison, dans la pénombre, toute seule, avec la vaisselle dans les mains, et le reste de la famille est à l'extérieur en train de discuter, et en fait, rien que visuellement, ça dit tout en fait. Elle est à l'écart, elle est bizarre, elle est pas totalement à sa place. Et le peu de joie qu'elle arrive à avoir dans sa vie, ça a duré une seconde et des poussières. Et juste le cadrage est fabuleux. Et il y a plein de trucs comme ça. Et l'un autre truc que j'aimais bien, c'est comment dire. Comme je disais, on peut enlever tous les éléments fantaisistes et l'histoire reste intéressante quand même, parce que ça traite en fait de trucs vachement humains. Et il y avait une scène où Vision va voir le président des États-Unis chez qui il bosse maintenant. En tant qu'envoyé des Avengers en gros, et au moment où il s'en va, la scène est géniale parce que pareil, encore juste à position image-texte, t'as ce super-héros, c'est un androïde qui vole dans les airs avec une cape sur le dos, et à côté de ça, t'as le texte qui te dit qu'il aurait aimé que le président lui file un boulot qui paye parce qu'il a une famille à supporter. Oui, c'est vrai. Et c'est juste, c'est génial, c'est le type de problème normal d'un père de famille normal, sauf que le mec en l'occurrence c'est un androïde et il vole quoi, et c'était magnifique. Oui, qui râle parce que les Avengers payent plus. Franchement, tout le traitement est génial, les gamins c'est pareil, la manière manière dont ils ont mis en scène leur déplacement à l'intérieur de l'école, comment les autres élèves se comportent avec eux, le moment où les gamins arrivent et le narrateur dit je sais plus comment s'appelle le lycée où ils vont, qui est un lycée de Washington vachement huppé où les élèves sont censés être les meilleurs du pays machin, et il y a la scène où le narrateur dit ces élèves se sont toujours dit on est les meilleurs du pays, personne n'est au-dessus de nous, et visuellement t'as les deux androïdes qui arrivent en volant et qui sont littéralement juste au-dessus d'eux, ouais. Et qui pendant le reste de l'histoire vont continuer à prouver qu'ils sont supérieurs parce qu'ils apprennent des tonnes de bouquins en mini-secondes et ils connaissent des trucs d'une précision chirurgicale. C'est des robots en même temps. Ouais, mais justement, ils ont réussi à garder cet aspect humain aussi, c'est-à-dire que c'est des gamins, ils se cherchent, ils savent pas trop quoi faire. Il y a le gamin qui essaye de se rabattre sur une passion qu'il a tout juste découvert. Il y a la fille qui essaie de trouver un peu sa place, genre qui je suis, qu'est-ce que je suis, comment j'interagis avec les autres gamins, comme ça. Et c'était. Qui a un échange très simple avec un garçon, ouais. Visiblement attiré par elle. Et t'as la petite phrase qui dit qu'elle va se repasser, parce que bien, c'est des robots, donc ils enregistrent tout. Elle va se repasser l'échange des milliers de fois et des milliers de fois et des milliers de fois. Il y avait dans le même délire, il y avait un truc marrant où t'avais la mère qui redemandait un truc à Vision. Et Vision qui disait mais pourquoi tu me demandes, je te l'ai déjà dit, t'as ouais. Juste à te repasser le truc dans ta tête, ouais. Ouais, c'est gavé de défaits comme ça, ouais. Moi, c'est celle que j'aime et bien. Ça c'est pareil, c'est très humain aussi, c'est l'équivalent de je t'ai déjà expliqué, tu devrais t'en souvenir, etc. Les trucs de couple classique, quoi, ouais. De quand t'en as marre parce que t'es de mauvaise humeur ce jour là ou un truc comme ça. Mais c'est marrant parce qu'ils prennent tout au pied de la lettre en mode très très littéral, ouais. Ça, c'est vraiment cool, Oui, ça c'est vraiment, enfin c'est une que j'aime bien aussi dans ce genre là où il se passe un truc moyen à l'école avec les gamins et donc t'as la mère qui appelle le père en disant ça serait bien que tu rentres ce soir parce que tes gamins ont besoin de toi et je peux te parler au moins. Et Vision, tu vois une image de Vision avec les Avengers en train de combattre un monstre géant qui s'appelle Giganto, et le mec qui répond oui femme je peux t'écouter et aussi combattre Giganto, quoi. Mais c'est même pas c'est normal, quoi, c'est classique, hein. Ouais, c'est comme toi, tu disais ouais je suis en train de conduire mais c'est bon, y a pas de problème, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Non mais comme j'ai dit en fait le truc c'est que des films avec le même type de traitement on en a déjà vu pas mal avec la famille comment dire prétendument parfaite. Et on découvre qu'en fait, sous la surface, c'est pas parfait du tout. Et la mère, elle est névrosée. Le père, il est froid. Ouais, il y a vraiment ça. La grosse différence, c'est que ce bouquin, en fait, c'est tout dans le texte, dans le traitement des personnages, dans le traitement des cadrages et des ambiances. Et franchement. C'est l'un des meilleurs bouquins que j'ai jamais lu, toutes catégories confondues. C'était franchement. Et du coup, moi, j'ai lu que le tome 1. Toi, tu l'as lu en entier. Le run est fini. Oui. Donc, c'est en deux tomes, je crois. Le tome est sorti, donc je vais l'acheter bientôt. Est-ce que tu conseilles le deuxième? Le deuxième est aussi bien. Oui, oui. C'est. Comment dire, il y a beaucoup de mise en place dans le premier pour essayer de comprendre, en fait, les personnages et essayer de comprendre quel type de personnalité chaque personne a. Et dans le deuxième, c'est le moment où ça part vraiment en live total et les choses empirent. Ouais, le deuxième est franchement aussi bon que le premier. Il y a moins ce côté traitement d'une famille normale, on va dire. Mmh. Il y a moins ce côté, on essaie de paraître normaux. Bah, il tease une confrontation pendant tout le temps. Voilà, on s'y attend. On sait qu'il va y avoir quelques éléments super-héroïques un peu plus forts dans le deuxième tome. Ça se sent. Et même là, c'est très bien géré. T'as jamais l'impression de passer d'un type d'histoire à un autre. T'as jamais l'impression de passer d'un drama extrêmement réaliste à un épisode de dessin animé. C'est jamais le cas. J'ai trouvé le traitement vraiment bien fait. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment impressionné, bon, Juni en a parlé un petit peu, c'est le nombre de thématiques qui sont abordées. T'as effectivement déjà un peu du Philip K. Dick avec ce sont des synthézoïdes, oui, oui. Qui veulent se comporter comme des humains. Effectivement, t'as deux, trois trucs aberrants où tu vois que ça reste quand même des machines à un moment donné. Tu as tout ce côté exclusion, couleur de peau différente, acceptation de l'autre et compagnie. Et il y a un truc aussi qui enfin, je sais pas si c'était vraiment fait exprès, mais c'est au bout d'un moment, est-ce que le super-héros peut habiter à côté des gens qui sauvent tous les jours? Oui, ben oui. Parce que t'as une scène aussi, enfin t'as plusieurs scènes comme ça où il essaye, encore une fois, le côté obsessionnel de Vision d'être parfait et dramatiquement risible parce que ça devient pathétique presque. Et derrière, ça se passe pas forcément bien, donc à droite à gauche, et il arrête pas de répéter des fois que non, mais attendez, je me permets de vous rappeler que j'ai sauvé la planète 37 fois. Oui, c'est vrai, quand il parle avec le proviseur. Ouais, voilà. Et du coup, c'est une espèce d'arrogance du gars qui dit, alors tu te dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, parce que le mec a sauvé la planète 37 fois, ça veut dire qu'il peut faire n'importe quoi dans le voisinage. Et du coup, est-ce que vraiment, voilà, super-héros peut vivre avec les gens qui c'est normal ce qui s'est passé à l'école, le proviseur avait raison, ce qui se passe un peu après que la police aussi s'est fondée. Mais du coup peut-être que la prochaine fois que les Avengers vont appeler en disant Galactus attaque, l'autre il va répondre bah j'ai des problèmes à la maison, tu sais quoi, ils ont tous démerdés ces humains, je peux pas faire de la musique le dimanche, je sais pas quoi. Et du coup il y a tout ce côté là que j'ai trouvé vraiment vraiment intelligent, et pour le coup tout est bien fait. Pourtant c'est quand même ouais, moi je suis d'accord avec des fois Juni, c'est l'un des meilleurs trucs là-dessus que j'ai pu lire. C'est ultra casse-gueule dans tous les sens, mais c'est fait d'une subtilité sans jugement. jugement, sans ça. Mais c'est vraiment bien écrit. Hein. Voilà, ouais. Ça, et vraiment, et en plus les graphismes de Walta sont vraiment sublimes. Pour une fois, j'ai pas l'impression de voir un épisode de série télé, parce que des fois j'ai l'impression que les mecs ils dessinent pour penser à la retranscription de ce qu'elle va donner à l'écran. C'est juste parfait, ça se lit. J'ai eu un peu peur parce que j'ai commencé à lire ça hier soir à l'arrache et je me suis dit je vais jamais finir. Et finalement, ça c'est d'une traite, c'était ultra passionnant. Mais moi aussi, ça je vaut, l'ai lu de suite. Ça vaut. Et je tenais à le lire, je te coupe juste pour ça. Ah, c'est bon. C'est Maxime qui me l'a acheté pour mon anniversaire, donc voilà, c'est un peu sponsorisé merde, par Maxime. Goût. Donc voilà, merci Maxime. On dira pas de mal aujourd'hui. Non, mais ouais, effectivement. Puis en plus, ouais, ça se finit en deux volumes, donc du coup, c'est pas chiant. Moi, ouais. Je pense qu'on est tous. Ouais, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, c'est ouais. Vraiment bien. Et ce qu'on disait tout à l'heure, donc Jordi Belair qui est à la colo, vraiment, c'est génial ce qu'elle fait. Ouais, c'est vraiment son usage d'ambiance est fabuleux. Le truc qui m'impressionne, c'est qu'elle change toujours plus ou moins les couleurs en fonction des projets sur lesquels elle bosse. Et là. Comment dire, en fait, le côté réaliste est tellement bien retranscrit. Je crois que c'est pour ça que j'avais l'impression de mater un film de Fincher, en fait. Il y a un peu le même type d'ambiance. Il n'y a pas de couleurs trop flashy ou le truc comme ça, sauf dans des scènes extrêmement bien choisies. Il y a un petit côté des Gone Girl aussi, quand tu parles de Fincher. Ouais, ouais, bah voilà. Et c'est un peu le même principe, c'est vie mondaine de gens plus ou moins normaux. Et la colorimétrie a tendance à bien retranscrire ça, en fait. Et bah là, par exemple, j'ai la page où ils sont en train de rencontrer le proviseur, et ils sont habillés tout à fait normalement devant le proviseur qui est tout à fait normal. Et là, l'ambiance, c'est pareil, on dirait un documentaire limite. Il y a une phrase qui m'avait fait rire aussi, c'est t'as les enfants qui partent au lycée, elle dit faites attention aux vêtements, les vêtements qu'ils fassent ça coûte super cher. Oui. Ouais. Voilà, c'était après, marrant. Je sais pas si vous avez lu autre chose de Walta. Moi, j'avais lu la série Magneto qu'il a fait avec Cullen Bunn il y a un an ou deux. Et il avait été aussi à un moment donné sur une série Astonishing X-Men. Et c'était exactement ce même genre d'ambiance. Et pour le coup, les séries à ce moment-là, pour moi, c'était presque les meilleures séries X, même si c'était pas le même scénariste, parce qu'il ressortait une espèce de mélancolie de dépressive. T'as le personnage de Magneto, c'est un peu pareil que. C'est un mix entre la maman Virginia et Vision. C'est-à-dire que le gars a des idées qui sont pas mauvaises, mais il a une mise en pratique qui est abyssale de catastrophisme. Bah comme toujours avec Magneto. Mais là, pour le coup, c'était vrai. Je crois que c'était Cullen Bunn au scénario, c'était pas mal. Et dans Astonishing X-Men, c'était un peu pareil. T'avais un personnage, je sais pas si tu l'as lu, cette Juni, ça pourrait peut-être t'intéresser. Le personnage de Warbird, mm-hmm. qui est une Shi'ar, qui est donc une race extraterrestre de l'univers Marvel. Ouais. Et les Warbirds sont élevés dès la naissance pour être des assassins, des guerrières finies, dont le but est de tuer. Ah oui, elle finit pas dans l'école de. Si, elle finit prof dans l'école à un moment donné dans Wolverine and the X-Men de Jason Aaron, ça c'est cool. Et après, donc il y a toute une histoire, encore une fois, je sais plus qui c'est qui scénarise, mince, ultra dépressive où elle découvre la Terre et elle se découvre une âme d'artiste et tu la vois parfois errer. Elle rappelle un peu effectivement Virginia, la femme de Vision, où elle est plus du tout à sa place, elle sait plus du tout quoi faire. Et là aussi, t'as Walta, il fait vraiment des trucs magnifiques avec cette personne où tu la vois au milieu d'une foule, mais complètement seule. Il est vraiment intéressant, cet artiste. Ouais. Et d'ailleurs, je vais faire une mention aussi pour Mike Del Mondo qui a fait les couvertures. Ah, les couvertures, elles sont super belles. Parce que chacune des couvertures est. L'idée est géniale, l'exécution est juste fabuleuse, et chacune des couvertures pourrait être un poster en fait. Et je crois que ma préférée, c'est celle où ils ont fait un gros plan en fait sur la boîte aux lettres. Ah oui, la boîte aux lettres qui vole. Des visions. Et en fait, ouais, bah ça c'est pareil, c'est subtil, mais c'est tellement efficace. C'est juste une boîte aux lettres, sauf qu'au lieu d'être accrochée à un piquet comme les autres boîtes aux lettres du quartier, elle essaie d'être normale, mais elle vole. Oui, elle lévite au-dessus du sol. C'est débile. Du coup, et en plus, elle est verte, donc elle a la même couleur que la famille. Enfin, ils ont les cheveux verts. Et voilà, c'est pareil, c'est subtil. Et c'est juste, ça marche tellement bien, ça dit tellement de choses avec tellement peu d'effets. Bon, je pense qu'on vous l'aurait compris, on vous conseille vraiment très fortement Vision de Tom King et de Gabriel Hernandez Walta. Vous pouvez courir l'acheter chez Panini. En plus, l'objet est sympa, je trouve. Franchement, oui. Pour du Panini, il y a pas trop d'éditorial, mais il y a des coups sympas, il y a des petits bonus vraiment sympas, donc vous pouvez y aller. Je crois que c'est pour 15€ et des poussières. Ça vaut vraiment le coup. En plus, le tome 2 est sorti, vous achetez le 1 et le 2 et vous avez une soirée tranquille. Puis là, pour le coup, c'est vraiment pas la peine de s'y connaître en comics. Ouais, pas du tout. C'est vraiment. Il suffit de connaître Vision et puis c'est tout. Voilà, limite, après, je dirais pour les anglophones de prendre le truc en anglais parce que, bon, au-delà de genre puriste qui préfère l'anglais. A priori, les anglophones nous écoutent pas. Oui, non, mais il doit bien il doit bien y en avoir qui lisent en anglais. Et le gros avantage en fait de l'anglais sur ce bouquin par rapport au français, c'est que dans la version originelle, l'auteur a vraiment un talent pour faire en sorte que chaque personne parle avec une voix très différente, des expressions très différentes, des tons très différents. Alors qu'en plus, c'est par écrit, donc je sais pas comment il fait, mais il doit avoir un super pouvoir lui aussi, ce mec. Et c'est tellement bien fait en fait que je pense que ça devrait être récompensé. Et pour ceux qui comprennent l'anglais et qui aiment bien lire en anglais, autant prendre la version originale parce que ça se justifie vraiment bien là. Ok, et ben est-ce que vous avez un petit coup de cœur ou un petit une petite attente? Je dis attente à chaque fois, mais on parle que de coup de cœur. Bah du coup, juste pour rebondir un peu là-dessus encore, mine de rien, j'avais lu l'année dernière le premier run de Batman Rebirth, ouais, par Tom King. Et alors en gros, si, lorsque vous commandez vos singles dans le gros magazine Previews, vous êtes obligé de commander 3 mois à l'avance ce que vous allez lire. C'est un système un peu débile, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, t'avais lâché. Et j'avais lâché, très sincèrement, ça m'a redonné envie de lire parce que j'avais pris le dernier numéro de son premier run qui s'appelle I Am Gotham. Qui voit deux jeunes super-héros avec des pouvoirs grosso modo de Superman arriver à Gotham et tenter de faire un peu ce qu'ils peuvent, plus ou moins chapeautés par le Batman. Et j'avais trouvé ça assez plat. Bon, c'était David Finch au dessin, pardon, et j'ai trouvé ça moyen. J'avais arrêté de commander. Et le dernier épisode, il se passe 2-3 trucs, tu comprends. Et tu lisais Flash en même temps? Parce qu'il faut, à mon avis, il faut vraiment lire les deux séries en même temps. Au début, a priori, non. Ah ouais? Et pour l'instant, ça va. Et pour le coup, au dernier épisode, j'ai vu qu'il y a pas mal de trucs que j'avais pas vu, que j'avais pas compris. J'avais lu ça comme du Batman un peu bête. Tu le prends en VF. Et je pense que oui, en fait, ça pour dire qu'il y a des chances que je reprenne du coup à prévision la lecture du Batman de Tom King, parce que c'est peut-être vachement plus intéressant que ce que j'ai cru voir, notamment autour de ces deux pseudo Superman qui se trouvent être vachement plus riches que deux glandus qui ont acquis des pouvoirs et qui savent pas trop quoi en foutre. Et je m'étais fait un peu avoir par ma première lecture, donc voilà, juste ça, je pense que je relirai du Batman par Tom King. Ok, Juni, est-ce que t'as une petite attente? A priori non, pas spécialement. Après je bosse pas mal en ce moment, du coup je me mate des trucs et je me suis repris de Black Mirror. Ouais. Et apparemment il y a encore des humains sur la Terre qui n'ont pas vu cette série. Et du coup ouais, je recommande fortement Black Mirror. Moi j'ai fait rigoler dessus, mais j'aime pas Black Mirror, mais c'est pas parce grave. Que c'est Black Mirror. Je sais pas si t'as regardé, Mathieu, ou pas. Non mais c'est sur la liste. Ouais, non, franchement regarde, c'est un peu comme Vision en fait, niveau intelligence et subtilité. Et en fait chaque épisode de Black Mirror est indépendant et à chaque fois c'est en rapport avec un élément de la société qui est extrapolé de manière sci-fi. Donc par exemple tu vas avoir un épisode où c'est une fille qui vit dans un monde où les gens se like mutuellement avec des étoiles et en fait ils like leurs interactions en permanence. Le problème c'est que ton compte en banque dépend de ton quota de like, ton statut social dépend de ton quota de like, et du coup il y a cette espèce de pression permanente. C'est un peu comme Uber en fait, mais sur tout le monde quoi. Ouais, et il y a un autre épisode où c'est un gars qui vit dans un monde où dans un futur où tout ce que tu vois est enregistré et tu peux le revisionner avec le son, les images, tout ça. Je crois qu'il y a l'acteur qui joue dans Get Out qui joue dans un des épisodes. Oui, il y en a un, il est dans un épisode où il fait du vélo dans une espèce de monde. Je sais pas si c'est post-apo, mais c'est une critique en fait des jeux de télé-réalité, des trucs comme ça, et de la bêtise des gens en général. Et donc en vrai, chaque épisode est indépendant, chacun d'entre eux est franchement assez flippant de à quel point c'est proche de maintenant en fait. Il y a des épisodes que tu regardes où ça se passe dans le futur, proche, mais techniquement on fonctionne déjà comme ça. Et c'est flippant. Allez, vendu. Moi je vais vous parler de Dernier Créneau. Non, je rigole. Bah, en fait, Geek en série. Si vous en avez marre de nous, bah tant pis hein, pour vous. Mais si vous avez encore envie de nous entendre parler, sachez que à partir de 21h, Juni et moi, on est invités dans Dernier Créneau. Donc on a déjà mis le lien. J'ai mis le lien du replay il y a 2 jours, je crois, sur la page Facebook. Donc allez voir la page Facebook, vous retrouverez. Donc on va vous parler de comics a priori, de séries télé aussi. Donc allez faire un petit tour. On va parler de Alien. Je vais pouvoir dire pourquoi Alien est le pire film de cette franchise. Enfin, Alien Covenant, excusez-moi. Tu m'as fait peur. Oui, quand même. Respectons Ridley Scott. Il a fait un film bien dans sa vie. Ah ouais, d'accord. Peut-être qu'il n'en fera plus. Bon, heureusement que je suis pas là, alors. Surtout que mon film préféré de lui est controversé en général, j'ai l'impression. C'est qui? C'est lequel? Une grande année. Il y avait Russell Crowe dedans. Il y avait Marion Cotillard. Et ça parlait de 20 moments. Mais enfin, le film est simple et tranquille, en fait. C'est pour ça que je l'aimais bien. Ok. je l'ai pas vu, je le regarderai. Bah du coup voilà, j'en ai joué que c'est... Ah oui, j'ai une grosse annonce pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, lundi c'est férié, donc bah pas de Comics Discovery lundi. Mais par contre mardi, comme il y a C'est sans danger, l'émission culturelle qui a fini, on va récupérer la tranche horaire. Donc on va récupérer cette tranche horaire, on va faire une spéciale Wonder Woman et on va essayer de vous la streamer sur YouTube. Vous pourrez voir Juni dessiner, je ne sais pas ce qu'il dessinera, sûrement des Wonder Woman. Et vous pourrez nous voir nous aussi peut-être. C'est pas encore sûr hein, parce que je suis en négociation avec Nicolas de Amalgame pour qu'il m'aide à faire tout ça. Mais on va essayer de faire tout ça. Donc ce sera 19h mardi. On vous donne rendez-vous mardi à 19h. Et on va finir avec une musique qu'a choisi Juni. et je vais essayer de dire le titre quand même. Ouais, vas-y. Donc c'est Ismaël Lo. Oui. Et c'est Bibi. Bibi. Dibi Rek. Oui, c'est ça. Voilà. Il faudra un jingle chaque fois que tu veux prononcer, tu sais, pour préparer les gens, quoi. Ouais, je vais essayer d'y penser. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, Comics Discovery. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Twitter, sur iTunes si vous nous écoutez en podcast, et nous mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et un bien. Excusez-moi. Oui, parce qu'on en a pas beaucoup, on en a que 3. Donc franchement, il y en a un, c'est moi, je crois. Non, il t'en a pas mis. Il y en a un, c'est moi. Je crois que j'ai pas voté. il faut voter sur iTunes. C'est bon. Bon, faut avoir un compte iTunes, c'est un peu relou. On va vous laisser avec la musique et vous nous retrouvez sur comicsdiscovery.fr. Allez, ciao. Ciao. Yangi dagarlu wante manoko ulso bayin ñu jëliko Yangi di rog balé ko ñu taxawal andax yow lekkoto Yangi bëggate ndax yow nanato ulso bayin ñu jëliko ndax mo lay maj do dibi dibi rek Ah, dibi dibi rek. Ah, dibi dibi rek. Dibi dibi rek. Ah, dibi dibi rek. Ah, dibi dibi rek. Oh, débilette.